Merci, merci aux organisateurs du colloque pour l'invitation. Alors, comme le disait Francesco, je vais présenter un travail qui a une dimension assez amusante également, parce qu'à l'origine, c'était un mémoire de sociologie, plus particulièrement de sociologie du numérique, une ethnographie d'un groupe de mèmeurs, donc de gens qui font des mèmes. Je reviendrai sur cette qualification un peu plus tard. C'est le plus grand du genre en France, à ma connaissance du moins. Voilà, et donc l'idée de ce mémoire, c'était de discuter à travers ce groupe les formes de refus du travail, les formes de critique du travail plus généralement, à l'heure d'une supposée grande démission, terme sur lequel je reviendrai également par la suite. Mais je vais prendre un petit peu le temps d'essayer d'expliciter cette notion de mème, parce qu'elle a été, disons que c'est souvent une difficulté dans la présentation de ce travail de circonscrire l'objet. Alors je ne vais pas apporter grand-chose à cette circonscription, dans la mesure où, à mon sens, il est particulièrement difficile, comme je l'ai écrit, mais je dirais même aujourd'hui impossible, de proposer une définition substantielle de ce qu'est un mème, dans la mesure où il n'est pas vraiment possible d'identifier des propriétés nécessaires, disons, de ce que serait un mème. Alors, cependant, la source de ce concept est assez intéressante. Elle est théorisée par un biologiste, Richard Dawkins, dans les années 70, et elle renvoie dans un discours biologique à la reproduction non génétique d'un caractère, donc c'est-à-dire par exemple de l'imitation d'une, par exemple, dans son exemple originel, il me semble que c'est de deux populations de grenouilles qui imitent qui s'imitent les unes les autres. Et en fait, très vite, ce concept va donner lieu à une sorte de pseudo-science qu'on appelle la mémétique, qui en gros, au sein de cette dernière, tout est un mème, en quelque sorte. Donc, par exemple, voilà, les habitudes alimentaires d'une population sont un mème, les manières de parler, enfin, tout est un mème. Donc, c'est pas très utile à la définition de quoi que ce soit. Mais donc du coup, moi, je travaille particulièrement sur ce qu'on appelle les mèmes internet, donc c'est-à-dire les mèmes qu'on poste sur internet, et en particulier les mèmes images, donc c'est surtout des mèmes sous forme d'images qui sont ceux que vous verrez dans cette présentation. Alors ce choix il est plutôt d'ordre méthodologique, dans la mesure où il y a aussi des mèmes vidéos sur ce groupe, mais que pour des raisons de traitement des données assez évidents, je n'ai pas pu travailler dessus dans ce contexte-là. Donc ce que je dirais avant tout, c'est qu'en fait, les mèmes ont un air de famille, pour reprendre l'expression bien connue de Wittgenstein dans les recherches philosophiques, c'est-à-dire qu'ils sont plutôt une série de productions qui ont un continuum de qualité qui, du coup, implique toutes sortes de propriétés qui sont plutôt, lisibles pour quelqu'un qui reconnaît ce qu'est un mème. Donc, ce qui amène à de très nombreuses approches actuellement qui sont en train de se développer. Et moi, en fait, j'utilise dans cette recherche les mèmes comme une sorte d'archive pour documenter un phénomène social particulier qui est celui du refus du travail. Alors, donc refus du travail dans un contexte bien particulier qui est celui de la grande démission. Alors, qu'est-ce que la grande démission ? Alors, c'est un terme qui à l'origine vient de ce chercheur, Anthony Klotz, qui est un chercheur en management, qui publie en 2016, donc bien avant la grande démission, un article qui dit qu'en gros, les grandes entreprises n'arrivent pas à garder les talents au sein des organisations. Donc c'est une forme de crise de loyauté des membres de l'organisation. Et c'est là que ça rencontre la notion de mème, à mon sens, c'est qu'en fait, on a une représentation de ce phénomène social et sur le mode de la viralité. Alors ça s'est moins entendu en France, mais notamment aux États-Unis, on parlait de quitation, avec cette idée que finalement le fait de vouloir démissionner en fait était contagieux. Donc il y a toutes sortes d'études de management qui parlent de ça avec des est-ce que l'open space, si je démissionne, est-ce que le type de l'open space d'à côté va démissionner? Enfin voilà, toutes sortes de réflexions de cet ordre-là. Donc du coup, j'ai décidé un petit peu de prendre au mot en fait cette représentation biologisante du social, pour ainsi dire, pour l'attaquer à partir d'un objet culturel que serait le même. Alors pour la grande démission en elle-même, dans l'ensemble, donc là ce que je vous ai mis, c'est le tableau de la DARES sur les taux de démission en France par taille d'entreprise. Donc là, c'est par trimestre de chaque année. Le moment où ça descend beaucoup, c'est le confinement, et après ça remonte du coup en flèche. Alors, on pourrait montrer à peu près le même graphique pour beaucoup de pays d'Europe de l'Ouest ou pour les États-Unis. En réalité, les taux de démission augmentent, mais les taux de réembauche suivent à peu près en fait ces taux de démission. Donc, on peut dire que c'est une sorte de fantasme statistique, ou du moins d'effet statistique plutôt, et ça je reviendrai dessus plus tard, et pourrait être quasiment apparenté à de l'astroturfing, dans le sens où en fait c'est un peu une sorte de collaboration entre des journalistes et des communautés en ligne en fait, qui vont thématiser cette grande démission comme un phénomène de masse. Cependant, on peut à mon avis voir dans ces taux importants de démission certes un effet classique des marchés du travail de rebond après un arrêt de l'activité, mais aussi une manifestation de forme de refus du travail que j'essaierai de caractériser. Alors, la grande démission, elle s'ancre dans un contexte social bien particulier. Là, je m'appuie sur l'ouvrage de Francesca Coin, qui est paru l'an dernier en Italie, qui passe notamment par une marginalisation des syndicats dans le monde professionnel, fait particulièrement prégnant en Italie où elle a réalisé cette enquête. Ensuite aussi une précarisation du travail qui explique cette crise de loyauté, et des formes, ça c'est lié à la crise du syndicalisme, des formes individuelles de refus du travail. Alors moi ce que j'essaie de documenter dans cette recherche, c'est le développement d'une sémantique collective qui exprime cette crise de la loyauté, et donc du coup d'essayer non pas de voir quelles sont les formes de sortie du monde du marché du travail, mais plutôt de voir les manières la manière dont les travailleurs et travailleuses prennent la parole dans ce contexte là. Alors pour l'étudier, donc comme je vous disais, j'ai fait cette enquête sur ce groupe Endoflex. Alors Endoflex, c'est Nurshi de flexibilisation du marché du travail. Alors le terme de Nurshi, à l'origine, c'est une page Facebook d'un mèmeur très connu en France qu'il a créé en 2016. Le groupe est beaucoup plus tardif, il date de 2019. C'est donc dans la catégorie des groupes qui portent ce nom de Nurshi, qui serait un peu l'équivalent des groupes qui ont intitulé Shitpost, je dirais, aux États-Unis. On a un peu plus de 175 000 membres, là, à l'heure actuelle, là, c'est 178 000 membres. Et en fait, ce qui est assez amusant, c'est qu'elle provient à l'origine d'une page d'une école de commerce. Donc là, je vous ai mis une citation d'un des fondateurs du groupe. Et en fait, à l'origine, elle vise à questionner en fait les stages qui sont amenés, que les étudiants et étudiantes en école de commerce sont amenés à faire durant leur scolarité. Et en fait, elle est au début, elle est très centrée dès le début autour, donc, du coup, je le disais, du shitpost, hein, ce qu'on appelle le shitpost dans le monde des mèmes, d'un jeu de rôle, d'une forme de jeu de rôle aussi. Et en somme de ce qu'on a appelé plus généralement de la post-ironie, c'est-à-dire une sorte de mise en scène exagérée d'une attitude sur ces groupes. Alors en fait, à l'origine, donc comme je vous dis, ça vient de cette école de commerce. On assiste après très rapidement dans les 6 premiers mois à peu près un élargissement du groupe, aussi bien donc en termes de nombre de membres, que de catégories socio-professionnelles. Je vois une petite coquille dans mes slides, j'en suis désolé. Donc, on ne se limite plus, en fait, ce groupe se limite plus à des aspirants cadres, aspirants managers ou aspirants à travailler dans des cabinets de conseil. Et on passe très rapidement d'une croissance organique du groupe, donc c'est-à-dire de pair à pair, à une croissance externe. Et l'autre fait qui, là, est plus intéressant, je dirais, d'un point de vue sociologique, c'est qu'en fait, on part au début de cette attitude de roleplay où, en gros, il singe un peu les codes de la Startup Nation, de l'entreprise néolibérale auxquelles ils sont très familiers. Et finalement, en fait, c'est ingérable, hein, un groupe qui fonctionne uniquement comme ça, sans aucune règle, où il disait, oui, c'est la main invisible du marché qui va réguler tout ça. Donc, en fait, le groupe s'impose des règles et, à mon sens, devient un groupe au sens, disons, plus sociologique du terme à ce moment-là. Cette croissance, elle passe aussi, et ça c'est quelque chose d'assez important, par l'émergence de ce qu'on peut appeler une présence multiplexe sur divers médias sociaux. C'est-à-dire qu'on va plus se limiter à une présence sur Facebook, sur ces groupes-là, mais bien à des comptes Instagram, des comptes très nombreux sur LinkedIn aussi. Et sur à peu près toutes les plateformes de médias sociaux qu'on peut imaginer. Et donc, finalement, comme la citation de tout à l'heure le montrait, à l'origine, les mèmes permettaient donc de faire apparaître une critique des stages et par extension du travail qui n'était pas, disons, thématisée dans les interactions hors ligne. Mais le mème en fait rend possible, et le commentaire autour des mèmes rend possible cette émergence. Cependant, moi, je voudrais insister sur ça. Ce que je vais vous dire, c'est que finalement, en fait, la visibilité de certains thèmes ou de certains sujets sur ce groupe n'est pas du tout représentative de sa population. Par exemple, encore aujourd'hui, le groupe parle énormément de stages, et en fait, il n'y a plus de stagiaires sur ce groupe, par exemple. Alors, je rentre dans le vif du sujet, dans le sens où je vais essayer de caractériser la critique du travail qui émerge sur ce groupe. Et donc, en fait, les membres du groupe avec qui je me suis entretenu thématisent tous, en fait, leur expérience du travail à travers un concept sociologique, celui de bullshit job, donc de David Graeber, même si... Finalement, toutes les formes de bullshit job en fait ne sont pas du tout représentées dans les expériences de travail que j'ai pu constater et aussi dans les mèmes qui sont postés sur le groupe. Donc ceux qui sont en gras sont ceux qui sont très représentés, c'est-à-dire le travail de cocheur de case, ça se parle assez bien lui-même, celui de larbin et celui de petit chef, sachant que il ne s'identifie jamais à des petits chefs. Et qu'au contraire, la bullshitisation du monde du travail pour eux en fait est directement liée à ce rapport direct avec les petits chefs et finalement au développement du middle management. Cette bullshitisation, elle est aussi la source de la politisation des utilisateurs dans la mesure où elle permet finalement une généralisation de leur expérience personnelle au travail. Et notamment, le travail, la gratuité du travail. Alors, ça me semble, c'est particulièrement intéressant dans la mesure où le travail gratuit en fait est souvent thématisé dans ce groupe comme étant lié à aux startups en fait et au fait que dans les startups le capital n'est pas levé au nom de la fondation de l'entreprise, donc du coup pour se développer la startup repose sur du travail gratuit. Donc, les thèmes qui sont très présents, c'est le paiement en visibilité, le fait de chercher des travaux non rémunérés pour ajouter une ligne sur son CV, et surtout dans leur expérience de travail, la contradiction entre des entreprises où il y a un très fort turnover et la nécessité d'être quelqu'un. Hein, là, je reprends ce terme dans le nouvel esprit du capitalisme de Boltanski et Capello, où il faut développer sa propre personnalité dans le monde du travail. Alors là, la citation que je mets en exergue, elle est assez intéressante parce qu'en fait, elle marque finalement une expérience de travail gratuit dans, dans une start-up. Je reviendrai sur ce cas particulier parce que, en fait, de la critique de la Startup Nation, enfin de la start-up, on arrive à une critique de la Startup Nation assez, assez rapidement. Ensuite, ce que je dis, ensuite, cette critique du travail, elle est évidemment informée par la forme même que prennent les productions de ce groupe, c'est-à-dire les mêmes. Alors, en fait, le fait de faire les mêmes, ils sont, moi, c'est un peu comme ça que j'ai commencé à vouloir étudier ça, c'est-à-dire que les mêmes sont faits, les mêmes qui critiquent le travail sont faits en grande partie au travail lui-même. Et résulte donc d'une forme de contre-gamification du travail dans un cadre en fait où on s'ennuie au travail. C'est-à-dire que ça c'est vraiment un des propos les plus récurrents là-dedans. Et notamment le logiciel PowerPoint revient absolument tout le temps comme forme de. En fait, il est souvent thématisé quasiment comme du travail à la chaîne, comme du travail taylorisé. Et en fait, je vous ai mis ce mème-là parce qu'il me semble très révélateur de ce double emploi en fait que le logiciel PowerPoint peut avoir pour ces mèmeurs qui font des mèmes sur PowerPoint, ce qui est assez rare hein, par ailleurs. Donc on peut y voir une manière on peut faire le parallèle avec cette vieille pratique du mouvement ouvrier du nord de l'Europe, qu'on appelle dans le nord de la France la perruque, qui consiste à, sur son temps de travail, fabriquer un produit avec les machines, qui n'est pas supposé être produit, pour précisément voler du temps en fait, au patron. Alors, donc cependant, moi ce que je veux, au-delà de simplement produire des mèmes, en fait ce groupe il organise des formes de solidarité dans un cadre qui est celui que je soulignais tout à l'heure, celui d'une crise du syndicalisme, avec des dispositifs de solidarité qui sont compliqués à construire dans un groupe qui grandit en fait en permanence, aujourd'hui, les gens ne savent plus, les utilisateurs et utilisatrices du groupe ne savent pas si leurs employeurs, par exemple, sont sur le groupe. Parce que, en fait, le groupe a eu de la publicité dans toute une série de publications entrepreneuriales. Il y avait des articles dans Les Échos, dans Welcome to the Jungle, dans Le Monde. Les employeurs connaissent parfois ça. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que le développement de l'anonymat, de la fonction d'anonymisation sur Facebook, dans les groupes, en fait, a considérablement relancé les tentatives de créer des liens de solidarité, en particulier de conseils juridiques, entre les utilisateurs et utilisatrices du groupe, sans se faire repérer par les employeurs ou avec la possibilité de poster anonymement des mèmes sur son travail. Je pourrais en parler, mais c'est pas particulièrement prévu. Il y a des gens qui ont subi, des utilisateurs, utilisatrices du groupe qui ont subi des problèmes au travail suite à la publication de même sur le groupe. Alors en fait cette solidarité elle est très singulière, elle rentre pas vraiment dans le cadre sociologique classique de l'analyse de la solidarité qui serait celle de Durkheim, dans la mesure où la solidarité passe, à mon sens, dans ce groupe, principalement par le trolling. Alors, ça peut paraître assez étonnant, mais en fait, très souvent, le fait de jouer un rôle, de troller ou de poster du contenu qui vise à cliver en fait, le groupe va permettre de construire une forme de politisation ou une forme de solidarité sur des points spécifiques. Le clivage est même considéré vraiment comme un art sur ce groupe pour précisément constituer une communauté en ligne. En fait, les pratiques de provocation des trolls entraînent des formes de solidarité en réponse et permettent du coup de rendre visible cette solidarité. Cependant, hein, effectivement, ces pratiques-là dans le groupe rendent la chose aussi assez compliquée à lire, hein, pour le chercheur, dans la mesure où il faut évidemment naviguer dans un monde d'ironie perpétuelle, et donc du coup avec parfois le risque, enfin le fait qu'il faut absolument avoir soi-même en fait une grille d'analyse compréhensive de ce qui est dit, de ce qui est dit sur le groupe. Alors, en fait, eux-mêmes se présentent comme un syndicat 2.0. Alors ça, c'est le terme est un des fondateurs du groupe dans un de ses entretiens avec la presse. On parle beaucoup de la CGT sur le groupe, alors même que dans les fondateurs, personne n'est syndiqué, encore à l'heure actuelle. Même si, et moi j'ai un peu assisté dans l'observation participante à ça, il y a un rapprochement progressif avec la CGT depuis quelques mois sur ce groupe, qui à mon avis a été très facilité par l'accession de Sophie Binet au secrétariat général l'an dernier, et avec la présence assez importante d'un point de vue organisationnel de la fédération des cadres de la CGT, de l'UGICT CGT. En fait, ce rapprochement du monde syndical, il prend ses sources dans le mouvement de 2019, qui a été vraiment un tournant pour le groupe. Parce que, en fait, c'est à ce moment-là que un peu les divisions se sont fait jour entre des gens qui jouaient vraiment un rôle et des gens qui, finalement, assumaient des positions ultra-libérales pour certains. 2019, c'est la retraite. Oui, le mouvement des retraites de 2019. Oui. Et en fait, le mouvement des retraites de 2023 a constitué un rebond, en quelque sorte, de ça, avec de nombreux événements in real life organisés, donc des espèces de des cortèges dans les manifestations, des espèces de rencontres avec des militants et militantes de la CGT qui étaient invités. Et moi, j'y vois une forme de régularité historique par rapport aux revendications des mouvements de cadres, qui sont historiquement en France constitués dans les années 30 autour de la revendication des mêmes droits à la retraite que ceux des ouvriers immédiatement après le Front populaire. Donc et le fait que la plupart des mouvements de cadres se sont toujours battus pour la conservation de leurs droits spécifiques à la retraite, et les mobilisations pour la défense des retraites sont donc centrales dans la mobilisation de cette catégorie socio-professionnelle. Ce qui m'amène, ce syndicat 2.0 m'amène aussi à l'idée que je montrerai à la toute fin de la présentation, de l'émergence d'une culture mémique au sein d'un certain nombre de syndicats ou d'unions syndicales, qui est finalement un peu l'effet miroir de ce phénomène que je décris. Alors je vais aller très vite parce que je vois que j'ai plus beaucoup de temps. Sur la politisation à proprement parler de ce groupe. Alors, en fait, eux, ils s'ancrent vraiment dans un discours sur la Startup Nation. Donc, on pourrait l'aimer de la Startup Nation sauce Macron, quoi, vraiment. Donc, je dirais qu'on pourrait présenter comme la réindustrialisation, un modèle de réindustrialisation fondé sur des startups, notamment sur des entreprises technologiques réalisant d'importants profits. Alors, comme vous le voyez déjà dans les mèmes que j'ai montrés, il y a très très souvent Macron dessus. Et en fait, un des administrateurs du groupe, par exemple, lui-même était en 2017 membre de La République En Marche. Et finalement, en fait, on peut y voir une forme dans la trajectoire de ce groupe, on peut voir un peu une séparation en fait de cette couche sociale d'avec le projet de la Startup Nation, dans la mesure où finalement, les perspectives économiques se sont pas forcément autant concrétisées que ça. Et finalement, elles ont été ce libéralisme triomphant un peu annoncé pendant le premier quinquennat de Macron a été finalement remplacé par des politiques répressives, des politiques de réduction des droits sociaux. Et c'est notamment ça, par exemple, ce qui fait basculer cet administrateur du groupe dans ce qu'on pourrait qualifier d'une opposition à Macron. Alors en fait, toute leur politisation, elle passe par une mise en avant d'un certain nombre de contenus, par le fait que le groupe devienne un média en fait progressivement. C'est assez étrange à constater comme phénomène. En gros, en fait, au début, ils commencent par faire une interview complètement absurde en 2020. Je ne sais pas si vous, j'ai pas mis en image, oui, mais je ne sais pas si vous vous rappelez de ce type qui s'appelle Jean-Pierre Fanguin, qui c'est Salut à toi, jeune entrepreneur. En fait, ils avaient beaucoup contribué à le faire connaître. Et en l'interviewant, en fait, c'est une interview assez délirante. Et en fait, assez étrangement, l'année d'après, ils décident de faire des interviews, mais là, hyper sérieuses, avec notamment Éric Piolle ou François Ruffin, donc des figures de la gauche française. Donc là, vous voyez, hein, j'ai un mème que poste Éric Piolle, en fait, suite à son interview sur le groupe. Ces décisions, elles sont très contestées, y compris par les gens qui ne sont pas de gauche, qui sont sur le groupe. Et en fait, régulièrement, l'équipe dirigeante, enfin les modmin, modérateurs, administrateurs, en fait, parlent de la possibilité d'inviter Gabriel Attal, ce qui en réalité n'est jamais vrai, bien sûr, ils n'ont jamais eu l'intention de l'inviter. Cette politisation, elle passe centralement pour elle et eux autour de du travail. Et comme je le disais tout à l'heure, je pense centralement autour de la notion de bullshit job. Finalement, l'expérience du monde du travail, en particulier dans les startups, en fait, amène à l'émergence de formes de critiques nouvelles qui ne trouvent pas forcément d'expression dans les canaux syndicaux habituels. Alors, pour conclure, il y a une ce que je vois dans ce groupe-là, mais dans d'autres phénomènes en ligne autour de la grande démission, c'est qu'en fait, on peut pas uniquement parler de la situation qui est décrite par la grande démission, cette crise ou par des expressions comme la crise de sens du travail, des choses comme ça. En fait, relève à la fois de la démission, mais aussi de formes de prise de parole. Et ça, c'est très marquant avec Nurshit Flex, mais avec d'autres exemples, comme ce mouvement chinois, Titong Paolu, qui veut dire, en gros, jette le seau et part en courant, qui était, en gros, c'est des vidéos TikTok d'ouvrières chinoises qui vont voir leur patron après avoir mangé gratuitement dans la cantine d'entreprise et lui disent je démissionne, ou les formes de vidéos TikTok hashtag quit my work, notamment celui de le TikTok de Shanna Blackwell à Walmart. Donc en fait ce que je vois là dedans c'est que en fait les mèmes ont une influence sur les formes de socialisation et en fait ils proposent finalement un codage nouveau de l'idéologie qui passe pas forcément par l'écrit ou par la vidéo, mais par vraiment un média spécifique, et que dans ce cadre-là, bien particulier, ils servent à signifier la crise une forme de crise de loyauté de la part des travailleurs-travailleuses par rapport à l'organisation du travail. Je termine avec ça. C'est donc que ce dispositif technique, le même, il donne une nouvelle structure au refus du travail qui ne passe pas donc par les formes classiques pas directement par les formes classiques de la grève notamment, même si il propose une forme très facilement réappropriable par les organisations plus classiques du monde du travail, comme en témoigne ce tract sous forme de mème de Sud Éducation Héros, qui d'ailleurs adopte complètement la même forme de rhétorique, un peu de roleplay, favorable qui adopte cette rhétorique entrepreneuriale qu'on voit sur Nurshit Flex. Et ce qui m'amène pour finir à dire qu'en fait il y a une forme de convergence qui à mon avis est en train d'émerger entre ces deux formes, entre ces formes disons d'expression de critique ou de refus du travail. Merci. Merci.